J'ai pas lâché le chromie et je me fous de ce qu'on a dit. J'essaie sur ton avis, moi je suis pas ton ami. Pas gamé, dis à ma mère, je donne pas de médicaments. Ça pète évidemment, le son des petits flamands. Lève la main, frère, t'inquiète, on se démerde. Y'a trop de gamins fiers et tout ça me vénère. Je m'engraisse, cousse, bouffe tellement gras que je m'encrasse. Crasse que je m'envoie dans le crâne. Feinteux, tais-toi, je roule un joint de bœuf. Ça, l'écoute un peu ça, c'est la pointeuse. T'es mal incendie, c'était ta sentie. Je peux rapper comme vous, mais j'en ai pas envie. Géographe fou à l'affût jusqu'à la fin. Carnage comme A4 dans une cave à vin, c'est Colin. PD reste poli, ça emballe des colis et boycotte l'école. Hein. Pourquoi tu t'en cours, l'affaire est en cours, c'est que nous, on est de retour comme Bétancourt sans tu. Ce parfum de feu bon sang enflure, ça va brûler comme Longchamp. Pourquoi tu t'en cours, l'affaire est en cours, c'est que nous, on est de retour comme Bétancourt. Pas ceux qui déguisent la vérité, remet sa vie de fait, sérise la CIT. Respecte pas un grand, si ce bâtard ne me respecte pas, je reste là. Pendant que cette putain de chance reste de marbre, j'ai pas de meuf, je crois pas en la perle rare. Si je la trouve, dans ce cas-là, tu la fermeras. Je suis bon à rien, en classe j'ai le rôle du parasite. Je pense pas à l'avenir parce que je me dis qu'on verra par la suite. J'avais le sourire, c'est dingue, mais non je veux pas couler. Man, je te fais souffrir, ça craint, mais j'ai rien calculé. Ce putain de temps court ma couille, il est temps que je me grouille. Je vois des gars plus jeunes que moi qui ont déjà la drooms. Je kiffe le son, y'a que là que j'ai de la vitalité. Je ferais du rap même si j'avais le père à David Hallyday. Époque de merde, tu te fais bouffer si tu baisses ta garde. Complexé, je suis camouflé derrière ma barbe. Je suis prêt à tout, même s'il faut que je baisse un ton. Bordel, ne me dis pas qu'il faut que je baisse d'un ton. Pourquoi tu t'en cours, l'affaire est en cours, c'est que nous. On est de retour comme Bétancourt sans tu. Ce parfum de feu bon sang enflure, ça va brûler comme Longchamp. Pourquoi tu t'en cours, l'affaire est en cours, c'est que nous. On est de retour comme Bétancourt. Pas ceux qui déguisent la vérité. Remet sa vie de fait, sérise la CID. Toujours faire foutre en vérité.